Chapitre 16e, un nouveau protecteur. Les recherches du capitaine Rundell à la station de Camberlin obtinrent un succès immédiat. Une jeune dame, une jeune femme, comme l'appelait l'employé du chemin de fer, habillée de noir, portant voile en crêpe sur la figure et un petit sac de voyage à la main, avait pris un billet de deuxième classe pour le train omnibus de Londres de 5h50 qui s'arrêtait à presque toutes les stations et n'arrivait à Euston Square qu'à 12h30. Edward regarda sa montre. Il était 2h10. L'express ne s'arrêtait pas à Camberlin, mais il pourrait le prendre à Swampington à 3h15. Pourtant, même en partant à cette heure-là, il ne pouvait guère espérer d'arriver avant la nuit dans le Berkshire. « Ma chère Pauline ne saura que demain combien elle était enfant, en doutant de moi, » se dit-il. « Ignorante jeune fille, mon amour a-t-il donc si peu les dehors de l'amour vrai qu'elle puisse ne pas en être sûre ?» Il se remit en selle, jeta un shilling au facteur qui avait tenu la bride de son cheval et prit le chemin de Swampington. Les horloges des vieilles et grises tourelles normandes sonnaient 3h au moment où le jeune homme traversa le pont et paya le droit de passage au petit guichet à côté de l'arche en pierre. Les rues étaient aussi solitaires que d'habitude par cette chaude après-dînée de juillet, et la longue ligne de la mer par de l'allée marais prenait une teinte bleue aux rayons du soleil. Le capitaine Arundel passa devant les deux églises, devant le presbytère au toit peu élevé, et se dirigea vers les faubourgs où la gare apparaissait dans tout l'éclat de ses briques rouges toutes neuves et de ses cheminées peintes en jaune au milieu d'un immense terrain non cultivé. Le train express s'arrêta devant la plateforme déserte 2 minutes après qu'Edward eut pris son billet. 1 minute après, la cloche annonça le départ, et le jeune homme commença son voyage à la recherche de Mary Marchmont, au bruit de la machine et du sifflet. Il était près de 7h quand il atteignit Euston Square, et il arriva à la gare de Paddington, juste assez à temps, pour apprendre que le dernier train se dirigeant vers Marlingford venait de partir. Il n'était pas possible de se rendre ce soir-là dans le petit village du Berkshire. Aucun train portant les dépêches ne s'arrêtait à une distance raisonnable de la modeste station. Il n'y avait donc pas moyen de faire autrement. Le capitaine Arundel se vit forcé d'attendre au lendemain matin. Il s'éloigna lentement de la gare. Cette découverte le décourageait. « Je ferai bien de coucher dans quelque hôtel par ici, » se dit-il, en marchant sans but, dans la direction d'Oxford Street, afin d'être tout prêt à prendre le premier train du matin. Que vais-je devenir toute cette nuit avec le souci que me cause mon incertitude au sujet de Mary ? Il se rappela qu'un de ses camarades, officier comme lui, demeurait dans un hôtel de Covent Garden où Edward descendait lui-même quand des affaires le retenaient à Londres un jour ou deux. « Irai-je voir Lucas ?» se demanda le capitaine Arundel. « C'est un bon diable, qu'il ne m'assommera pas de questions s'il me voit préoccupé. Il peut y avoir des lettres pour moi, ami Bart. Pauvre petite Polly. » Il ne pouvait jamais songer à elle sans éprouver un peu de cette tendresse compatissante qu'aurait éveillé en lui une jeune enfant abandonnée, qu'il aurait l'obligation et le privilège de protéger et de secourir. Il n'y avait peut-être pas beaucoup d'enthousiasme passionné dans les tendres sentiments qu'inspirait Edward Arundel, la fille orpheline de son défunt ami. Mais au lieu de cet enthousiasme, il y avait un de ces dévouements chevaleresques que conquiert rarement une femme à notre époque dégénérée. Le jeune soldat parcourut les rues éclairées en songeant à la jeune fille disparue. Tantôt il se demandait si son instinct ne l'avait pas trompé, en lui faisant croire que Mary s'était rendue tout droit à la ferme du Berkshire. Tantôt il était saisi d'une terreur soudaine à l'idée qu'il pouvait en être autrement. La jeune fille s'était peut-être lancée dans un monde qu'elle ne connaissait pas plus qu'une enfant, avec la résolution de se soustraire aux poursuites de tous ceux qui l'avaient connue. S'il était ainsi, si en arrivant à Marlingford, il allait ne rien apprendre sur le sort de l'orpheline, que ferait-il ensuite, où la chercherait-il ? Il ferait insérer des annonces dans les journaux et prierait sa fiancée d'avoir confiance en lui et de revenir. Mary Marchmont était peut-être la dernière personne au monde à même de lire les journaux, mais ce serait du moins une occupation que cette annonce, et Edward Arundel se décida à aller aussitôt à Printon House Square pour rédiger son appel à l'absente. Il était 10 heures passées quand le capitaine Arundel s'arrêta à cette détermination. Il était alors dans le voisinage de Covent Garden et des théâtres. Les affiches décoraient presque toutes les portes, et le jeune soldat, en entrant dans un bureau de tabac pour remplir son porte-cigare, regarda d'un air distrait le programme en lettres rouges et bleues éclatantes du drame du jour à Drury Lane. Il n'est pas très étonnant que les pensées du capitaine Arundel fissent un retour vers l'époque de son enfance. Cette époque disparue à jamais derrière sa récente et glorieuse campagne dans l'Inde, et qu'il se souvint de la soirée de décembre où, assis dans une loge du grand théâtre subventionné, il avait saisi du regard le malheureux comparse, pliant sous le poids de sa bannière. De la loge de Drury Lane au déjeuner du lendemain matin, dans Oakley Street, la transition était toute naturelle. Mais avec ce souvenir de l'humble logement de Lambeth, avec le tableau que lui représentait une petite fille en tablier, assise d'un air sérieux à la table de son père et s'occupant attentivement de son convive, surgit aussi dans l'esprit d'Edward Arundel une idée qui précipita la circulation du sang dans ses veines. Si Mary était venue à Oakley Street, cette supposition n'était-elle pas plus probable que celle de son voyage dans le Berkshire? Elle avait vécu à Lambeth pendant longtemps, et n'avait quitté cette demeure plébéienne que pour y habiter la résidence somptueuse de Marchmont Towers. Qu'y avait-il de plus naturel que la pensée de revenir à la maison familière qui lui était chère à cause des mille souvenirs de son père qu'elle lui rappelait? Il était plus que probable qu'à l'heure de la désolation, elle avait dû reprendre instinctivement le chemin du coin de terre où logeaient les humbles amis qu'elle avait connus dans son enfance. Edward Arundel eut à peine la patience d'attendre que l'élégante demoiselle de comptoir lui ait rendu la monnaie du demi-souverain qu'il venait de lui donner. Il s'élança dans la rue et appela au passage le cocher d'un cab. Il y a toujours des cabs qui circulent à vie dans le voisinage de Covent Garden, qui, suivant l'habitude de ses pareils, s'en rapportait au regard qu'il jetait à droite et à gauche plutôt qu'à la Providence pour trouver pratique. « Oakley Street, Lambeth !» s'écria le jeune homme. « Double course, si vous y arrivez en 10 minutes !» Le grand cheval efflanqué prit aussitôt l'allure particulière qui est commune à son espèce et fit autant de bruit sur le pavé que s'il avait couru pour gagner le derby métropolitain. Et à 10h20 environ, il s'arrêta tout fumant et haletant devant la fenêtre, faiblement illuminée de la marchande à la toilette où deux chandelles éclairaient sur le devant un étalage de fleurs artificielles salies, de souliers en satin abîmés, de peignes à dorures ternies. Au centre, des étoffes bleues très voyantes ornées de broderies et à l'arrière-plan, du satin noir graisseux. Edward Arundel jeta en avant les portières du cab et se précipita sur le trottoir. La propriétaire de la boutique était nonchalamment appuyée contre le montant de la porte et respirait les fraîches brises du soir qui soufflaient de Westminster et de Waterloo en causant avec une voisine. La pauvre innocente enfant, disait la femme, elle a fini par s'endormir à force de pleurer. Mais vous n'avez jamais rien entendu d'aussi triste que ce qu'elle me racontait tout à l'heure, ce cher amour. Elle me rappelait à s'y méprendre ma pauvre Eliza Jane pendant qu'elle me regardait. Vous auriez dit qu'Eliza Jane était ressuscitée, mais seulement plus pâle, maladive, et n'ayant pas les belles couleurs et les cheveux bouclés que Edward Arundel coupa court à la causerie de la bonne femme, qui bavardait sans reprendre haleine et sans se préoccuper de la ponctuation. « Miss Marchmont est ici, dit-il, je sais qu'elle y est, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Conduisez-moi vers elle, je vous prie, conduisez-moi tout de suite. Je suis le capitaine Arundel, l'ami de son père et le futur mari de Miss Marchmont. Vous vous souvenez de moi, peut-être. Je vins ici, il y a 9 ans, déjeuner un matin de décembre. Je me souviens de vous parfaitement et je sais que vous avez toujours été bonne pour la fille de mon pauvre ami. Qui aurait songé que je la trouverais ici? Vous serez bien récompensé de vos bontés pour elle, mais menez-moi vers elle, menez-moi sur le champ. » La marchande à la toilette saisit une des chandelles qui dégouttait dans un chandelier en cuivre sur le comptoir et ouvrit la marche vers l'étroit escalier. C'était une bonne créature indolente, et l'animation d'Edward l'avait tellement stupéfié qu'il ne put que murmurer des phrases entrecoupées par lesquelles elle déclarait que le gentleman lui avait donné la chair de poule, que ses jambes se dérobaient sous elle, etc., le tout pour expliquer les secousses physiques qu'elle avait ressenties dans cette journée. Elle ouvrit la porte de la chambre fort peu meublée du premier étage, où l'aigle estropié planait au-dessus du miroir convexe, et s'écarta du seuil pour laisser passer le capitaine Arundel. Une chandelle brûlait faiblement sur la table, et sur un étroit sofa rembourré en écrin, se dessinait la silhouette d'une jeune fille entourée d'un châle en laine. « Elle s'est endormie il y a environ une demi-heure, monsieur, » dit la femme. « Et c'est, je crois, à force de pleurer, le pauvre agneau. Je lui ai fait du thé, je lui ai donné du cresson, des petits pains et du beurre bien frais, mais elle n'a voulu toucher à rien. Elle a avalé quelques gorgées de thé que pour me faire plaisir. Qu'est-ce, monsieur, qui l'a si éloignée de sa maison qui est si belle? Elle m'a montré une bague en diamant que lui a donnée son pauvre papa dans son testament. Il m'a laissé 20 livres, le bon gentleman. Il en avait toujours eu les manières. Et M. Polyte, l'avoué, me les a envoyés par son clerc avec des compliments, quoique je n'attendisse rien, car il m'avait toujours payé au jour fixe le loyer que Miss Mary me descendait avec tant de gentillesse et... La marchande à la toilette avait élevé la voix avant d'arriver à la fin de sa tirade, et Mary Marchmont fut tirée de son sommeil fiévreux. Elle releva sa tête fatiguée du coussin sur lequel elle s'appuyait, et regarda autour d'elle, ne sachant qu'à moitié où elle était et ce qui s'était passé dans les dernières 18 heures de sa vie. Ses 12 yeux bruns errèrent de tous côtés, ne se rendant pas bien compte de la réalité des objets qu'il voyait, jusqu'au moment où elle vit, debout, dans le modeste appartement, son âme noble et superbe, lui souriant d'un air de reproche et fixant sur elle ses yeux bleus pleins d'amour et de franchise. Elle le vit, et un faible cri s'échappa de ses lèvres tremblantes pendant qu'elle s'avançait vers lui en chancelant et se jetait dans ses bras. « Vous m'aimez donc, Edward ? » s'écria-t-elle. « Vous m'aimez donc ?»« Oui, chère Polly, je vous aime aussi tendrement que jamais femme ait été aimée sur cette terre. » Le soldat ensuite s'assit sur le dur sofa et, gardant toujours contre sa poitrine la tête de Mary, il lui reprocha, en caressant de la main sa chevelure en désordre, l'enfantillage de sa conduite. La consola et lui rendit le calme. La propriétaire de l'appartement regardait, le chandelier en main, les deux jeunes amants et pleurait sur leur malheur comme si elle eût assisté à un drame. Leur innocente affection n'était pas gênée par la présence de la bonne femme, et quand Mary eut souri à son amant et promis de ne plus jamais, jamais douter de lui, le capitaine Arundel fut sur le point d'embrasser, dans son enthousiasme, l'excellente propriétaire en lui promettant la plus belle robe de soie qui eût jamais été vue dans Oakley Street parmi toutes les toilettes fanées en soie et en satin que lui apportaient les caméristes. « Et maintenant, ma folle petite Polly, que faut-il faire de vous ?» demanda le jeune homme. « Voulez-vous retourner à Marchmont Towers demain matin ?» Mary Marchmont se couvrit la figure avec ses mains et se mit à trembler violemment. « Oh non, non » s'écria-t-elle. « Ne me demandez pas cela, Edward. Ne me demandez pas d'y retourner. Je ne reparaîtrai plus jamais dans cette maison tant que... » Il s'arrêta tout à coup et regarda son amant d'un air suppliant. « Tant que ma cousine Olivia Marchmont y sera !» dit le capitaine Arundel, fronçant les sourcils de colère. « Dieu sait que c'est triste pour moi d'avoir à me dire que vos chagrins sont causés par quelqu'un qui m'est uni par les liens du sang, Polly. Elle s'est donc bien mal conduite envers vous, cette femme. Elle a très mal agi à votre égard. »« Non, non, jamais avant la nuit passée. Il me semble qu'un siècle s'est écoulé depuis, et pourtant c'était la nuit passée seulement, n'est-ce pas? Jusqu'alors, elle avait été bonne pour moi. Je ne l'aimais pas, vous savez, quoique je fisse de mon mieux pour cela. » À cause de papa, et par reconnaissance pour la peine qu'elle a prise pour mon éducation. Mais on ne peut être reconnaissante envers les gens sans les aimer, et je n'ai jamais pu l'aimer. Mais la nuit dernière, elle m'a dit de si cruelles choses, Edward !» s'écria la jeune fille, tout à coup en joignant les mains comme quelqu'un qui implore. « Ces cruelles choses étaient-elles vraies? Avais-je eu tort de vous offrir d'être votre femme ?» Comment le jeune homme pouvait-il répondre à cette question autrement qu'en serrant sa fiancée sur son cœur? Il y eut donc une autre petite scène d'amour sur laquelle Mrs. Pimpernel, la marchande à la toilette nommée Pimpernel, versa de nouvelles larmes en murmurant que le capitaine était un jeune homme charmant, plus charmant que M. Macready dans Claude Melnotte, et que la scène actuelle lui rappelait ce passage émouvant de la pièce où la mère orgueilleuse faisait une sortie contre le pauvre amoureux et où Miss Fawcett était si belle. Les gens qui habitent Oakley Street sont amateurs de théâtre et susceptibles de compassion et de sentiments, comme tous ceux qui assistent fréquemment aux représentations. « Que ferai-je de vous, Miss Marchmont ?» demanda gaiement Edward Arundel quand la petite scène d'amour fut terminée. « Ma mère et ma sœur sont à l'étranger dans quelques villes de bas allemande, dont le nom ne peut se prononcer. La santé de la pauvre Letty a occasionné ce voyage. Reginald est avec elle. » Et mon père se trouve seul à Dangerfield. Je ne puis donc vous y conduire comme je l'aurais fait si ma mère eût été à la maison. Je n'aime pas trop les Mostyn, ou sinon vous seriez allé habiter Montauk Square. De nos jours, il n'y a plus de bons franciscains qui veuillent marier Roméo et Juliette en un clin d'œil. Il vous faut attendre une quinzaine quelque part, Polly. En quel endroit sera-ce ? Oh, laissez-moi demeurer ici, je vous en prie, dit Miss Marchman. J'ai toujours été si heureuse. Cette chère enfant, s'écria Mrs. Pimpernel, levant les mains avec un geste d'admiration. Elle n'a pas la moindre fierté, malgré toute la fortune qu'elle possède. Elle veut rester dans son ancien logement, où on tâchera de la mettre à son aise. L'air est très sain ici, quoique vous puissiez ne pas le croire. Et puis, l'hôpital des aveugles et Bedlam sont tout près, et Kennington Common est une promenade charmante en cette saison. « Oui, cela me plaira de rester ici, » murmura Mary. Même au milieu de son agitation, et malgré les émotions du moment, sa pensée se reportait vers le passé. Il se disait combien ce serait agréable d'aller voir le boucher accommodant, la fille de l'épicier, le bon marchand de beurre qu'il appelait petite dame, et le perroquet gris mal élevé. Comme ce serait charmant de voir ses humbles amis maintenant qu'elle était grande et qu'elle avait de l'argent pour leur témoigner sa gratitude par des cadeaux. « Très bien, Polly, » dit le capitaine Arundel. « Vous resterez ici et Mrs. Pimpernel, » ajouta la marchande. « Mrs. Pimpernel aura soin de vous comme si vous étiez la reine d'Angleterre et que le bien-être de la nation dépendît de votre salut. Moi, je descendrai à mon hôtel de Covent Garden. Je verrai Richard Paulet, qui est mon avoué en même temps que le vôtre, vous savez, Polly. Je lui raconterai une partie de ce qui est arrivé, et je prendrai mes mesures pour nous marier immédiatement. Nous marier ?» Mary Marchmont répéta les dernières paroles de son amant et le regarda d'un air presque égaré. Elle n'avait jamais songé qu'un mariage si prompt avec Edward Arundel serait le résultat de sa fuite du Lincolnshire. Elle croyait vaguement qu'elle demeurait dans Oakley Street pendant des années, et que plus tard, à une époque éloignée, le soldat viendrait demander sa main. « Oui, chère Polly. » La conduite d'Olivia Marchmont m'a décidé à accomplir cet acte très hardi. Il est évident pour moi que ma cousine vous hait. Pour quel motif, Dieu seul le sait, puisque vous n'avez rien fait pour provoquer sa haine. Autant votre père était pauvre, c'eût été à moi qu'il vous eût confié. Il changea d'idée plus tard, tout naturellement, et choisit une autre personne pour protéger son enfant. Si ma cousine eût accompli sa mission, Mary, je me fusse incliné devant son autorité et je me serais tenu à l'écart jusqu'à votre majorité plutôt que de vous demander de m'épouser sans le consentement de votre belle-mère. Mais Olivia Marchmont a perdu le droit d'être consultée dans cette affaire. Elle vous a torturé et m'a odieusement calomnié. Si vous croyez en moi, Mary, vous consentirez à devenir ma femme. Ma justification est en réserve dans l'avenir. Vous verrez, cher enfant, que je ne profiterai pas de votre fortune et que je ne mènerai pas une vie oisive parce que j'aurai épousé une femme riche. » Mary Marchmont regarda son amant avec une timide tendresse. « J'aimerais mieux que la fortune fût à vous qu'à moi, Edward, » dit-elle. « Je ferai ce que vous voudrez. Je me laisserai guider par vous en toutes choses. » Ce fut ainsi que la fille de John Marchmont consentit à devenir la femme de l'homme qu'elle aimait, de l'homme dont l'image avait été depuis son enfance associée par elle avec tout ce qu'il y avait de bon et de beau sur terre. Elle ne connaissait aucune de ces jolies phrases stéréotypées, à l'aide desquelles des jeunes filles bien élevées savent tenir en suspens et torturer un pauvre prétendant au cœur plein d'amour. Elle n'avait aucune idée de cette négation trompeuse, de ce charmant nom des femmes, qui est généralement connu comme synonyme de « oui ». L'étude ennuyeuse des empereurs romains, des îles de la mer du Sud, de l'astronomie et des terres intertiaires avait fort mal préparé cette pauvre enfant aux dures réalités de la vie. « Je me laisserai guider par vous, cher Edward, » dit-elle. « Mon père voulait que je fusse votre femme, et quand même je ne vous aimerais pas, ce serait un plaisir pour moi de lui obéir. » Il était 11 heures quand le capitaine Arundel s'éloigna de Oakley Street. La voiture l'avait attendu tout le temps, et le cocher, voyant que le jeune homme qu'il conduisait était beau, élégant et avait un air militaire, comme il disait, lui demanda une somme énorme en le déposant à la porte de l'hôtel de Covent Garden. Edward déjeunait à la hâte le lendemain et se rendit ensuite à Lincoln's Inn Fields. Un désappointement l'y attendait. Richard Paulet était parti pour une excursion de pêche en Écosse. Paulet l'aîné habitait le milieu de la France et son nom seul figurait dans l'association pour faire croire à des clients campagnards entêtés que le même avoué qui gérait leurs affaires était celui qui avait géré celle de leur père et de leur grand-père. Matthewson était dans le Yorkshire, où il surveillait l'anéantissement de certaines hypothèques sur le domaine d'un baronnet en banqueroute. Il n'y avait pas à supposer que le capitaine Arundel confierait des secrets à un clerc, quelque digne de confiance que pût être ce personnage. Le jeune homme aurait désiré que son mariage avec Mary Marchmont obtînt du moins l'approbation de l'avoué de John, mais il était impatient d'avoir le titre qui lui conférait le droit d'être le guide et le protecteur de la jeune fille, et il ne se sentit pas disposé à attendre la fin des longues vacances et le retour de messieurs Paulet et Matthewson. En outre, Mary Marchmont redoutait continuellement que sa belle-mère ne découvrît son humble retraite et ne vînt lui imposer son autorité. « Que je sois votre femme avant de la revoir, Edward, » disait la jeune fille quand la terreur la dominait. « Elle ne me parlerait plus avec autant de cruauté si j'étais votre femme. Je sais que ce n'est pas bien d'avoir ainsi peur d'elle, parce qu'elle a toujours été bonne pour moi avant cette terrible nuit. Mais je ne puis vous dire combien je tremble à l'idée de me retrouver seule avec elle à Marchmont Towers. Je rêve quelquefois que je suis avec elle dans la vieille et sombre maison, et que nous y sommes seuls toutes deux, sans domestique, pendant que vous, Edward, vous êtes dans l'Inde, là-bas, à l'autre bout du monde. » C'était à grand-peine que son amant parvenait à rassurer la jeune fille tremblante quand de semblables pensées s'emparaient d'elle. S'il eût été moins confiant, moins impétueux et moins insouciant par caractère, le capitaine Arundel aurait pu voir que les nerfs de Mary avaient été terriblement ébranlés par la scène qui s'était passée entre elle et Olivia, et par l'angoisse qui avait occasionné sa fuite de Marchmont Towers. La jeune fille tremblait à chaque bruit, d'une porte qui se fermait, d'un câble qui s'arrêtait dans la rue, d'un livre qui tombait de l'étagère, et elle tressaillait comme si une poudrière eût sauté dans le voisinage. Ses yeux se mouillaient de larmes à la moindre émotion. Son esprit était torturé par des craintes vagues qu'elle essayait vainement d'expliquer à son amant. Son sommeil était troublé par des rêves étranges, d'affreux pressentiments d'un malheur à venir. Pendant un peu plus d'une quinzaine, Edward Arundel fit chaque jour une visite à sa fiancée dans Oakley Street, s'assit à côté d'elle pendant qu'elle travaillait à quelques broderies, et lui parla gaiement du bonheur de l'avenir, à la grande admiration de Mrs. Pimpernel, qui n'avait pas de plus grand plaisir que celui de figurer dans le joli petit drame sentimental qui se jouait à son premier étage. Ce fut ainsi que par une matinée du mois d'août, nébuleuse comme une matinée d'automne, Edward Arundel et Mary Marchmont furent mariés dans une grande église déserte de la paroisse de Lambeth par un ministre indifférent qui mena le service bon train et eut pour rôle solennel beaucoup moins de respect qu'il n'en aurait eu en sachant que la pâle jeune fille agenouillée au pied de l'autel avait un revenu incontesté de 11 000 livres par an. Mrs. Pimpernel, l'ouvreur de banc et le greffier qui attendait dans la sacristie et qui fut chargé de remettre la mariée entre les mains de son mari, furent les seuls témoins de cet étrange mariage. La cérémonie parut triste à Mrs. Pimpernel, qui avait été mariée à la même église 25 ans auparavant, en spencer satin couleur cinnamon, en chapeau ayant la forme d'une boîte à charbon, et avec une jeune couturière pour demoiselle d'honneur. Le mariage fut certainement un peu triste. La pluie tombait sans relâche dans la rue. Au dehors et dans l'intérieur de la grande église déserte, régnait une odeur de plâtre mouillé. Les cris mélancoliques de la rue produisaient un bruit étrange, pendant que le ministre prononçait à la hâte ces mots imposants qui devaient unir Edward Arundel et Mary Marchmont jusqu'au moment de leur séparation terrestre. La jeune fille se serra toute tremblante contre son amant, maintenant son mari, dès qu'ils entrèrent dans la sacristie pour apposer leur nom sur le registre des mariages. Durant tout le temps du service, elle s'était attendue à entendre un bruit de pas dans la nef derrière elle et la voix cruelle d'Olivia Marchmont annonçant tout haut qu'elle s'opposait au mariage. « Je suis votre femme maintenant, n'est-ce pas, Edward ?» dit-elle quand elle eut signé sur le registre. « Oui, ma chérie, pour toujours, pour toujours. Et rien ne pourra nous séparer maintenant, rien que la mort, chère Polly. » Dans l'exubérance de sa joie, Edward Arundel parlait du roi des terreurs comme s'il n'eût été personne, et que le pouvoir qu'il avait de changer ou de contrecarrer les projets du genre humain n'eût pas valu la peine de figurer en ligne de compte. La voiture qui attendait pour emporter la maîtresse de Marchmont Towers jusqu'au premier relais de sa tournée nuptiale était tout simplement un cab. Les habits du cocher exhalaient un parfum de tabac dans l'atmosphère humide, et au lieu des fleurs qu'on sème d'habitude sur le chemin que doit suivre une héritière qui se marie, Miss Marchmont foula sous ses pieds de la paille humide et moisie, mais elle était heureuse. Heureuse tout en craignant vaguement que son bonheur ne fût pas réel. La terreur inspirée par le pouvoir qu'avait Olivia de la torturer et de l'opprimer ne fut pas chassée complètement, même par la présence de son mari. Elle embrassa Mrs. Pimpernel, qui pleurait à chaudes larmes, sur le bout du trottoir, en serrant autour d'elle la bordure blanche de la robe de soie neuve qu'Edward Arundel lui avait donnée pour cadeau de noces. « Que Dieu vous bénisse, ma chère enfant !» s'écria l'honnête marchande de satin fané et de gaze fripée. « Je ne serais pas plus désolé si vous étiez mon Eliza Jane, partant avec le jeune homme qu'elle devait épouser, et qui est veuf maintenant avec 5 enfants, dont 2 au maillot et le dernier au biberon. Que Dieu vous bénisse, ma jolie épousée. Oh, je vous en prie, capitaine Arundel, ayez soin d'elle, car c'est une tendre fleur qui a besoin de toutes vos attentions. Voici quelque chose qui n'est qu'une bagatelle, ma chère enfant, pour quelqu'un de votre rang, mais c'est donné de bon cœur et humblement. » Les dernières paroles de Mrs. Pimpernel désignaient un paquet très dur enveloppé d'un journal qu'elle plaça sur les genoux de Mary. Mrs. Arundel défit le paquet tout de suite après avoir embrassé une dernière fois son humble ami, et le cab prit la route de Nine Elms. Le cadeau de noces de Mrs. Pimpernel était une bergère écossaise en porcelaine à tartan doré, à jambes très rouges, en chapeau à plumes, et le mouton était frisé. Edward relégua soigneusement cet article de vertu au fond de son sac de voyage, car sa femme ne voulait pas que ce présent fût traité à la légère. « Comme elle est bonne de me donner cette bergère, » dit Mary. « Quand j'étais petite fille, elle figurait sur la cheminée de notre chambre sur le derrière, et je l'aimais beaucoup. Évidemment, je n'ai plus aujourd'hui la même sympathie pour les bergères écossaises, mon cher Edward, mais Mrs. Pimpernel ne pouvait le savoir. Elle a cru que cela me ferait plaisir d'avoir celle-ci. « Et vous la mettrez dans le salon occidental des Towers, n'est-ce pas, Polly ?» demanda le capitaine Arundel en riant. « Je ne la mettrai nulle part où on pourra en rire, monsieur, » répondit la jeune mariée avec une légère nuance de dignité de femme. « Mais j'en aurai soin, et je veillerai à ce qu'elle ne soit jamais ni brisée ni détruite, et Mrs. Pimpernel la verra quand elle viendra aux Towers, si jamais j'y retourne, » ajouta-t-elle en changeant tout à coup de manière. « Si jamais vous y retournez, » s'écria Edward, « mais ma chère Polly, Marchmont Towers est à vous. Ma cousine Olivia n'y est que tolérée, et son bon sens lui dira qu'elle n'a aucun droit d'y rester en cessant d'être votre amie et votre protectrice. Elle est fière, et sa fierté l'empêchera de demeurer dans une maison où elle n'est pas bien vue. » La figure de la jeune femme devint pâle de terreur à ces dernières paroles de son mari. « Mais je ne pourrai jamais lui demander de s'en aller, » dit-elle, « pour rien au monde. Je ne voudrais la renvoyer. Je n'ai jamais tenu à cette maison depuis la mort de papa, et je n'y retournerai pas tant qu'elle y sera. J'ai si peur d'elle, Edward, j'ai si peur d'elle. » Ses craintes vagues furent expliquées par ce cri enfantin. Edward Arundel serra sa femme sur son cœur, se pencha au-dessus d'elle, et embrassa son front pâle en murmurant des paroles consolantes, comme s'il eût fait pour un enfant. « Ma chère, chère Mary, » lui dit-il, « n'ayez pas peur, ma bien-aimée, c'est trop d'enfantillage. »« je le sais, Edward, mais je ne puis m'empêcher, non, je ne puis. J'ai eu peur d'elle il y a bien longtemps. Elle m'a effrayé le premier jour où je la vis lorsque je fus avec vous au presbytère. Elle m'a effrayé quand papa m'a dit qu'il voulait l'épouser, et elle m'effraie encore aujourd'hui que je suis votre femme, Edward. Oui, elle m'effraie encore. » Le capitaine Arundel sécha avec des baisers les larmes qui tremblaient aux paupières de sa femme, mais elle était à peine remise de son émotion quand le cab s'arrêta à la gare de la station de Nine Elms. Ce ne fut que lorsqu'elle se vit assise dans un compartiment avec son mari et que la pluie disparut à mesure qu'ils avançaient dans une jolie campagne pastorale que la jeune mariée se sentit heureuse et en sûreté sous la protection de son mari. Alors seulement elle put lui sourire et envisager avec plaisir la perspective d'un court séjour dans ce joli village de Hampshire qu'Edward avait choisi pour y passer sa lune de miel. « Seulement quelques jours de bonheur tranquille, Polly, » dit-il, « seulement quelques jours d'un oubli complet de tout ce qui n'est pas vous dans le monde. Et puis je redeviendrai un homme d'affaires. J'écrirai à votre belle-mère, à mon père et à ma mère, à messieurs Paulette et Matthewson et à tous ceux qui doivent être informés de notre mariage. »